La semaine dernière, on a fait des arrestations et sur les mêmes zones, on s'est fait critiquer d'avoir intervenu trop rapidement et trop fort. Moi, j'entends très bien les citoyens, j'entends la majorité silencieuse qui se dit en bon français écœurée de ce qui se passe et je les comprends. Carey Price, il n'en laisse pas passer une! Voici votre animateur, Jean-Philippe Écoute! Okay. Hey! Parle-moi d'un public! Hein? Bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous permettre de nous remettre de cette première semaine avec pas de pape. Ah, ouais. Hein? Oh le vide, toi! Oh le vide! Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Ouh! Ça vous a affecté ce vide-là? Hein? Ah oui! Un gros, gros vide. Ah, vous oui, le sentez, hein? Oui, surtout quand j'écoute le téléjournal. Oui, bon. Là, faites pas. Non. Regarde, alors, faites pas un Patrick Lagacé de vous-même, oh, là, franchement. Boy, non. Ça a été une grosse entrevue de Céline Galipeau, une très grosse. Elle a posé 23 questions. Pas 22. Ben, entrevue, vous êtes généreux. Hein? Ça avait l'air d'une groupie devant un John Bon Jovi de pape de Ouellette. C'était ça aussi. Ah ouais. Puis, pas de problème, là. Hey, parlant de pape, il y a Jean-Martin Hossan, hein, qui... Il y a des gens qui trouvent Jean-Martin Hossan très drôle, ouais. Et nous aussi, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Non, mais il a reçu la bénédiction de ses fidèles le week-end passé à son congrès. Ouais. Hey, c'est le fun pour lui. Ah ouais, hein? Surtout avec un salaire de 87 000 piastres. 87 000 $. Hey, ça, c'est le fun. Non, mais c'est parce que c'est pour compenser le fait qu'il n'a pas été élu. Hein, c'est un peu comme Claude Blanchet, là, l'ancien de la SGF, ouais. Qui reçoit, lui, 88 000 à vie, hein, pour payer par les contribuables, je pense. C'est pour compenser quoi, lui? Ben, qu'il a été marié avec Pauline Marois, je pense. Une affaire comme ça, mais bon. Non, mais je pense. Écoute, j'ai pas lu aucun document là-dessus. Sinon, on retient quoi du congrès d'Option nationale, tout le monde, hein? Les grandes lignes, bon, Option nationale et pour la loi 101 dans les cégeps, ouais. On a appris ça. Pour la création aussi d'une armée québécoise, hein? Ouais. Ça va être le fun, ça. Des gros canons. Et pour une alliance souverainiste avec les souverainistes de droite. Ah, les souverainistes ouais. De droite? Oui. À part oui. Mathieu Bock-Côté, il y a d'autres souverainistes de droite au Québec. Ben, Fred, Mathieu Bock-Côté, ils sont ah, ben trois. Ouais. Sont trois je veux dire. La Sainte Trinité. Ben oui, voyons donc. Et justement, pour rester dans le domaine de la personne, il y a Ariel Grenier qui a accusé, en fait. En fait, qui excusez-moi, on va recommencer ce bout-là. Si on me coupait ça, Jean, t'étais un pro. Parce que le monsieur, on a remonté vite, là, ça sera pas bien long. Voilà, on y va dans 3, 2. Hey, justement, pour rester dans le domaine de personne, il y a Ariel Grenier qui. Des carrés verts, là, vous vous rappelez d'Ariel Grenier, bon, qui prétend qu'il est détesté par toute une génération. Oh. Ouais, ouais, oui, on a appris ça. Ben oui, non. Mais ça prouve que c'est pas facile d'avoir des opinions au Québec. Pauvre chouchoune! Ben, Fred, hein? Bon, oui, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Elle va être stagiaire à l'Institut économique de Montréal comme chercheuse. Chercheuse? Ouais, ouais. Ah ouais, elle va quoi? Manipuler des faits? Oui. Ben oui, ça va être un bon stage pour elle. Hein? C'est comme ça que ça se passe là-bas, on le sait. Un autre qui n'a pas une semaine facile, c'est Alex Perron, oh. Hein, qui a avoué à l'émission, ça finit bien la semaine, qui était rentré dans un groupe de manifestants au printemps dernier, là, parce que je pense qu'il y avait des tournages. Il était en retard. Ouais. Oui, il était en retard. Il y a quelqu'un qui pressait tant que ça. Là. Il fait des chroniques de permanente, lui. Ça pressait tant que ça? Non. Fred, il fait pas juste ça. Rouler sur du monde pour... Il fait pas juste ça. Ah Fred. Non! Non! Bon. En tout cas, parlant de... Parlant de permanence, il y a le sénateur Boisvenu, hein, qui est tombé en amour avec son adjoint. Oh. Hein? C'est-tu une belle histoire, ça? Ouais, mais il y a hein? Beaucoup de monde qui se demande si c'est éthique, cette affaire-là. Ça, c'est le NPD qui ah se ouais. Demande ça. Ils sont contre l'amour, ces gens-là. Ah ouais? De toute façon, ils n'ont pas été contre l'amour longtemps parce qu'ils se sont séparés. C'est oh. Terminé. Oui, ben oui. En même temps, une chance qu'ils ne soient pas mariés. Hein? Ils auraient eu la corde au cou. Ouais, Boisvenu, corde au cou. Ouais. C'est de mauvais goût, ça, Fred. D'ailleurs, ça me fait penser. Agnès Maltais, la ministre, et sa réforme de l'aide sociale, là, hein, que personne n'avait entendu parler. Ouais. Bon, ben, en fait, elle a dit qu'elle l'avait publiée dans la Gazette officielle ah. Vendredi à 6h15. Ah. C'est pour ça qu'on l'avait pas vue. Ah! Ben oui! Non, mais il faudrait s'abonner non. À ça, la Gazette, là. Ouais. D'un coup, qu'ils font l'indépendance du Québec, ils annoncent ça juste là-dedans. Hein. Ah! Vraiment au courant. C'est pas fou, ça. Puis la Gazette, c'est un bon journal, ouais. Hein, à part Don McPherson. Ouais. Le reste, c'est pas pire. Non? Puis en plus, plus tu le lis, là, la Gazette, là, plus t'as l'impression que l'indépendance est déjà faite. Ben oui. Fait que c'est ça qui est le fun. Parlant de dictature, il y a Hugo Chavez, hein, le grand commandeur du Venezuela, qui est finalement décédé de son cancer, hein, après des longues années de maladie. Oui, c'était pas une dictature, ça, quand même. Ben là, bon, ouais. Non, mais j'ai lu ça dans les journaux, dictateur. C'est bon, pas clair. Il a fait des bonnes choses, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Là? Il a financé les programmes sociaux avec l'argent du pétrole. Ça, c'est vrai qu'il a fait ça. Bon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a assaini les bidonvilles. Il a diminué la mortalité infantile. C'est vrai qu'il a fait dans ça. Dans le fond, c'est un genre d'Américadier latino, là. Si je comprends bien. Oui, non, c'est. Oui, c'est un genre de. Mais bon. Il a fait des choses négatives aussi, Fred, c'est ça que je voulais dire. Écoutez, il a fait plonger l'économie. Hey, gravement, en plus. Il a exproprié des terres agricoles. Il a laissé les infrastructures dépérir. Ah, hey. Mais finalement, c'est un genre Charest latino, si je oui, comprends aussi. Bien. Un genre de. Personnalité complexe. Oui, c'est ça. Ouais, regarde. Il y a des psys pour régler ça, de toute façon. Mais il faut dire que le latino est très, très à la mode, hein, ce temps-ci. Ben, d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré le nouvel album d'un de nos invités de ce soir, Damien Robitaille, tout le monde. Damien Robitaille. Ouais. Ben oui. Oui, qui est natif de la Franco-Ontarie, je pense. Hein. La Franco-Ontarie? Ouais. Êtes-vous devenu inspecteur pour l'Office de la langue française? Oui, oui. Ouais, part-time, c'est un sideline. Part-time, c'est un sideline? Ouais. Vous allez être bon. On reçoit également la ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse, Véronique Yvon, également. Ça, c'est très le fun. Ça fait longtemps qu'on a poursuivi quelqu'un du PQ. Hein? Yvon, c'est ça s'écrit H-I-V-O-N. Oui, H-I-V-O-N. Comment ça, c'est pas Y-V-O-N? Je sais pas, pourquoi? C'est suspect, ça. Ah oui. Pas français, ça. Ah ouais. Calmez-vous, OK? C'est juste le début d'émission, là. De toute façon, on a encore en masse le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune! Hey oh! Merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier Niquette, les internets. Oui, ben les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir des belles photos des dessous de bras de notre animateur. Des fois, il est un petit peu nerveux, hein, surtout quand c'est Denise Bombardier. Pour l'excuser. Petite photo. Tout le monde sue, Olivier. Surtout vous. Il y a une chance que vous êtes en charge de quelque chose dans ce show-là, puis c'est Internet. Hein. Hey, grosse semaine d'actualité, hein? Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la commission Charbonneau cette semaine. Mais là, il n'y en avait pas cette semaine. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont mis à RDI? Ah! Qu'est-ce qu'ils ont mis à RDI? Ben, j'ai regardé vite, là, une infopub sur le Cardinal Ouellet. Ah! Voilà. Quel produit qu'ils vendaient? Du Viagra Pierre à Feu. Ah! Ça va être bon? Oui. Vous disiez ça. C'est croquant. OK. Hey, on a vu cette semaine une rencontre improbable, hein, alors que Dennis Rodman s'est rendu en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong-un afin d'ouvrir les liens diplomatiques entre les États-Unis et la Corée du Nord. Surprise générale, ben oui. C'est devenu des super bons chums. Ben, c'est un drôle de match. Ben oui. Ça nous a donc inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors, voici donc 5 personnalités d'ici qui devraient rencontrer Kim Jong-un. En 5e position, Régis Labeaume, pour qu'il explique c'est quoi un vrai dictateur. Ah ouais. Ah mais c'est vrai, il va pouvoir prendre des notes, là, Kim Jong chose. Un. OK. En 4e position, Céline Galipo, pour faire des entrevues de fond sur ses qualités humaines. Ah boy. Ça va prendre plus que 23 questions. C'est la façon, Fred, c'est la façon de poser les questions. En 3e position, le député fédéral Denis Coderre. Eh boy, il va trouver le temps long, Twitter est censuré là-bas. Oui. En plus, je pense pas qu'il y ait de spaghettis, hein? Non, c'est du riz bolognaise. Oui. C'est moins bon. En 3e, non, c'est pas vrai. 3e, je l'ai dit. En 2e position, ben Jean-Martin Ossant. Oh. Ben c'est vrai, à 97% d'approbation, là, c'est assez coréen, ça. Ouais. Ouais, puis être membre d'Option nationale, c'est un peu comme croire aux licornes. Je pense que ça mérite un applaudissement. Ça. Ah, et en première position, les co-porte-paroles de l'AC. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que ça va faire là? Remettre leur rapport de stage. Ah. OK! Fred, notre premier invité. Elle s'est fait connaître du grand public pour avoir initié la commission parlementaire Mourir dans la dignité après avoir fait son entrée à l'Assemblée nationale au scrutin de 2008 comme députée de la circonscription de Joliette. Accueillons Mme Véronique Yvon! Ah, Mme Yvon, bonsoir! Bonsoir! Hey, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas reçu quelqu'un du PQ. Bon, vous deviez vous ennuyer. Ben, à l'époque, ça allait assez bien pour vous. Ben, voilà. On vous a reçu, je pense, quelqu'un entre le 4 et le 5 septembre. Ça allait bien. Oui, oui, oui. Non, il y a des moments vrai. Comme ça de grâce. Ben, on a reçu quand même M. Lizé. Non, ça, c'était avant les élections. Ouais. On a reçu M. Drainville. qui avait de l'air très positif pour tout ce qui se passait. On a reçu aussi le ministre de... François Blanchet. De l'Environnement. Oui, ben, enfin, Régin Barre. Tromper, là. Oui, faut le nommer par le nom, ministre de l'Environnement, parce que des fois, on peut se tromper avec Daniel Breton. Ça, c'était avant. Oui. C'est ça. Comment il va, Daniel? Nous, il y a beaucoup quand même de mouvements chez nous. C'est jamais plate. Non, donc, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais vous dire. Encore une grosse semaine pour le PQ. Bien, il paraît, je sais pas. Hein. Mais c'est la semaine de relâche. Donc, en plus? Ben oui, c'est ça. C'est une chance que c'était la semaine de relâche. Ben oui, c'est ça. On ne relâche jamais. Ça vous tente pas de prendre des semaines ordinaires de temps en temps? Non, on sait que les gens s'ennuieraient. Ben, vous êtes bien gentil. Sur nous, quand même. Ben, c'est parce qu'en même temps, il n'y avait pas de commission Charbonneau cette semaine. Fait que là, j'ai on eu l'impression. Pris la relève. Ben, c'est ça. Ben, Agnès Maltais s'est dit, regarde, je vais faire ça pour le Québec, puis pour les journaux, puis pour les médias. Ouais, puis on apprécie ça, nous. Faire connaître la Gazette officielle, hey, vous l'avez dit. Ben oui. Qui connaissait aussi bien la Gazette officielle du Québec avant cette semaine? Ben, moi, je connaissais pas ça, honnêtement. Bon. Mais je pense qu'on a un chroniqueur, Jean-Philippe Suffriani, qui va venir nous en parler plus tard cette semaine. Il s'est endormi 3 fois en cherchant ce sujet. Mais c'est pas grave, il est bien fin. Non, mais là, on dit qu'il se passe beaucoup de choses avec le PQ. Oui, c'est vrai, il y a des il y a des petits scandales qui sont, au début, là. Mais là, on reviendra pas là-dessus, c'est pas bon pour vous. Mais il y a eu des faux pas, des polémiques, mais il y a quand même plein de choses positives. Plein de choses ben positives. Ben oui, ben il y a eu votre congrès d'Option nationale en fin de semaine. Ben oui, ils ont dit qu'ils étaient prêts à s'allier avec les forces souverainistes. Ben oui, même de droite. Ça. En plus, vous êtes rendu de droite, fait que ça va bien. Mais ben c'est ça que les gens disent. Hey, moi, là, oui, j'analyse rien. Parce que je peux pas croire que vous êtes juste ici pour rapporter ce que les gens disent. Parce ben, que honnêtement, vous avez oui. votre propre idée, quand même. Ben, en fait, oui. mon idée, c'est surtout oui. Fred qui l'écrit. Ah, OK! Puis Fred, il a dû dire ça ce soir. Moi, ouais. je suis une marionnette, ah, madame. Okay, okay. Je suis une marionnette. Mais à Option nationale, quand on a regardé le congrès en fin de semaine, on a vu Jacques Parizeau, ouais. Pierre Curzi, Lisette Lapointe. On se croyait quasiment au PQ. Oui, bien, vous savez que ces gens-là aiment beaucoup débattre ouais. d'idées. Ils aiment ouais. prendre différentes plateformes pour en parler. Donc, ils ne déchirent pas leur carte du PQ. Ils ont leur carte du PQ, mais ils veulent parler de certaines idées dans Mais ils ont aussi leur carte d'Option nationale. Je pense que c'est Jacques Parizeau qui a acheté la sienne. Son porte-monnaie non, va être pas mal Jacques plein. Non, pas Jacques Parizeau, c'est Pierre Curzi. Ah, Pierre Curzi. Oui, ah, ben lui, il a plusieurs c'est cartes, ça, par contre. C'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a une carte d'UDA aussi. Oui, il y a une carte d'UDA. Il était là, vous savez, essentiellement pour parler de la langue. Donc, ben oui. Oui, c'est ça. Mais puis c'est en fait, il y a quand même une bonne communauté de vues, je pense, ben, sur ce point de vue-là. Puis on va en parler sûrement la semaine prochaine beaucoup parce que les consultations commencent sur la réforme de la loi 101. Tout à fait. il va y avoir des élections très bientôt parce qu'on le sait, M. Couillard va être élu. Il va faire tomber le gouvernement. Il vous l'a dit quand il est venu? Ben, tout le monde le sait, je pense. Ah, ouais, oui, okay. Et puis on sait qu'il va gagner aussi. On est abonné à la presse pour ça. Ah. Les lectures obligatoires, vous savez, moi, c'est plus la Gazette officielle. Hein, ah, hey, ça doit être le fun. Ouais, ouais. toujours est-il que M. Couillard, que vous ne devez pas aimer ben, il vous a battu dans votre comté la première fois Imaginez, que vous êtes présenté. Ben oui, on a toute une histoire, Philippe Couillard et moi. Bon, ben oui, je me suis présentée dans Jean Talon. En fait, c'est lui qui s'est présenté contre moi. Arrêtez donc. Ben, je vous dis, parce que je devais me présenter contre Margaret Delisle, puis ah, mon Dieu, un mois avant le déclenchement de l'élection. Philippe Couillard, qui était député de Mont-Royal, bang, arrive à Québec pour se présenter contre moi. C'est dire comment je leur faisais peur quand même. Hein? Mais c'est ça, mais comment on reçoit ça? Est-ce qu'on est déçu? Bien honnêtement, là. Je veux dire, on s'attend à recevoir un petit salaire de 85 000 assuré. On se présente. Non, mais c'est vrai, non? Ah, mais on rit, là. Mais je veux dire, on se présente aux élections, on est pas mal sûr de la gagner, celle-là. Ou en tout cas, on a l'impression qu'on a des bonnes chances. Puis là, on voit Philippe Couillard arriver. C'est pas comme un peu chien? C'est comme une... ça va être une autre aventure. Ouais, ça va être une autre aventure. Mais dans Jean Talon, je peux vous dire que c'était pas acquis d'avance. Donc, le salaire, j'étais pas sûre de gagner. Non, pas j'avais pas démissionné. Okay, good. J'avais c'est pas bon. Acheté de grosse auto. Bon. Rien de ça. Parce que non. Ben, vous seriez une bonne gestionnaire, vous. Ben, pas pire. Quand Pauline va démissionner après la prochaine élection, là, on va avoir une course au PQ. Est-ce que la tête du Parti québécois vous intéresserait? Pas du tout. Supposons, là. Ouais. Je pense pas que ça non, m'intéresserait. Pas du tout. Non. Parce que vous êtes l'étoile montante du Parti québécois. Ouais, on dit ça. On dit ça. Ouais. Qui ça encore qui dit ça? Parce que c'est pas vous qui dites ça. Vous rapportez les propos de Fred. C'est moi qui dis ça. OK. Bon. C'est parce que, tu sais, d'un côté, il y a Jean-François Lisée. On parle beaucoup de Jean-François Lisée. Hein? Lui-ci parle beaucoup de Jean-François Lisée. Et de l'autre, on parle beaucoup de Véronique Yvon. Vous êtes super bonne. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont dit qu'à la période de questions, vous êtes extraordinaire. Oui. Et il faut le faire. Ben oui, quand même, hein, évidemment. Ça, c'était quand je posais des questions. Ben oui. Alors maintenant, j'y réponds. Fait qu'on va voir si les gens trouvent que je suis aussi bonne en y répondant. Donc, c'est mon objectif là, pour cette session aussi. Et justement, la session vient de recommencer. Et vous avez quelques semaines devant vous avant... ça se termine quand? Ça, c'est en juin? Oui, juin. Ah ouais, vous l'avez prolongé jusqu'en juin? Oui, on a du temps, on a du temps. Qu'est-ce que vous voulez faire comme grande réalisation jusqu'en juin? Ah, ben moi, vous savez, mon gros dossier, c'est mourir dans la dignité. Oui, tout à Alors, j'ai l'objectif de déposer un projet de loi avant l'été pour permettre à tous une mort dans la dignité. Donc, d'être accompagné jusqu'à la fin. Est-ce que ça va être un dossier qui va réunir tous les partis? J'ai espoir que oui, parce que ça, pour moi, c'est une ouais. grande fierté. On a fait la commission, tout le monde était d'accord. J'ai déposé une motion, unanimité en chambre. On a fait les travaux pendant 2 ans. On a déposé un rapport unanime, les 4 parties. Donc, pour moi, ça, c'est une vraie réalisation suprapartisane, comme il devrait y en avoir plus en politique. Et est-ce que vous allez avoir le temps de la déposer avant l'élection du prochain chef du Parti libéral? Non, mais c'est niaiseux, mais c'est parce qu'on a reçu... Non, avant de mourir dans la dignité. Ouais. Qui va... Je sais pas, c'est, encore une fois, c'est Fred ici qui dit les affaires. C'est difficile, hein? Moi, c'est comme si on était avec une traduction simultanée. Voulez-vous que je vous dise, des fois, je me demande si c'est nécessaire, tout ça. Ouais. Mais est-ce que ça va être avant le 17 mars? Le dépôt du projet de loi, non, ça va être probablement après. Mais j'ai toute confiance que mes collègues du Parti libéral qui ont signé les recommandations unanimes vont convaincre n'importe quel chef de l'importance de ce dossier-là. Puis voulez-vous que je vous dise, Philippe Couillard, il vous doit bien ça. Hein? Il doit bien ça. C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Vous restez avec nous, madame Yvon? Oui, je sais. Ça, c'est le fun. Vous savez, la campagne contre l'homophobie du gouvernement du Québec a suscité beaucoup de réactions. Et à la soirée, encore jeune, on trouve la situation déplorable. Oui. Et on propose plutôt de s'attaquer à un problème beaucoup plus grave pour le Québec. On écoute. Ce petit bonhomme adore les livres, les dinosaures et la musique. Ce petit bonhomme adore aussi ses deux papas, même s'ils sont libertariens et aiment aussi les dinosaures. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez? Luttons contre la démagogie, pas contre l'idée du réchauffement climatique. Agnès a toujours été souriante et gentille. Mais Agnès n'a pas toujours été comme ça. Avant, elle était de gauche. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez? Luttons contre la démagogie, pas contre les assistés sociaux. Ce médecin exerce depuis des années et son CA l'adorait. Ce médecin est un crosseur depuis toujours. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez? Luttons contre la démagogie. Luttons contre les Bahamas. Tantôt, je disais que Fred me mettait des choses dans la bouche, même quand c'est drôle, c'est lui. Hein. Non, mais il faut y donner quand même crédit pour une coupe d'affaires. Non, mais il serait pas bon au PQ, car jamais il ne recule. Il fonce tête première vers les dossiers les plus costauds. Et oui, c'est le moment d'aller retrouver l'affriolant, le délicieux, l'ensorcelant Jean-Sébastien Girard, qui est au téléphone avec nous. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va très bien. C'était vraiment, vraiment, vraiment très agréable avec Madame Yvon. C'est vrai, hein, il paraît. Oui, ben je vous le dis. Il paraît que c'est une étoile montante. Oui, ben je sais que c'est l'étoile montante. Elle est c'est Fred qui dit ça. Très... Oui, c'est Fred. C'est... Ouais. C'est... Il fait ça dans le bureau tantôt. Oui, je merci, sais. Merci, Fred. Très humble. Il dit, ah, c'est une étoile montante, c'est une étoile montante. Il arrêtait pas de dire une étoile montante. OK, ben on va passer à vos affaires, là. Je suis bien tanné qu'il arrête pas de dire une étoile montante. Ben écoutez, honnêtement, je suis bien fébrile parce que je m'apprête à faire une belle surprise à une vedette québécoise. Vous le savez, hein, en m'écoutant depuis quelques semaines, par hasard, à chacun de mes topos, je tombe toujours sur le petit Gabriel Nadeau. Ben oui! Oui, hein, ben c'est ça. Puis il m'a confié en début de semaine qu'il était actuellement en semaine de relâche. Il va en profiter pour écrire son bouquin. Donc je me suis dit, pauvre petit loup, rendu au vendredi, il va avoir besoin d'une activité pour se détendre. Alors je suis présentement devant sa maison. J'ai sonné. Et je vais lui proposer un truc ben le fun. Attention, il s'en vient. Surprise, Gabriel, mon bonhomme, comment ça va? Ah, salut! Sébastien, c'est encore toi? Gabriel, t'as-tu passé de bonne semaine? Jusqu'à maintenant, oui. Que t'es flatteur. Écoute, je suis ici pour te proposer quelque chose. On se souvient, Gabriel, que tu t'es pogné au sens cette semaine dans les internets avec Alex Perron, parce que dit à l'excellente émission « Ça finit bien la semaine » au Canal 10... Pendant la crise étudiante, je suis passé avec mon char à travers les gens qui défilaient. Je me suis dit, si j'en frappe un, ça me dérange même pas. Et là, les deux animatrices de talent ont ri, ont trouvé ça très drôle. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et suite à ça, la marque de pogné dans Twitter à cause de toi, Gabriel, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, parce que j'ai... Disons que ça m'a fait de quoi d'entendre ça à l'émission. T'inquiète pas, je l'écoutais pas. C'est quelqu'un qui m'a envoyé l'extrait quand même. Il y a des limites à se faire du mal. Et puis, ben là, j'ai été un peu choqué. Fait que là, j'ai mis ça sur Twitter. J'ai dit que je trouvais ça inacceptable. Et puis, je me suis rendu compte qu'au Québec, attaquer les humoristes, là, à part quand c'est Fred Savard, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait. Exactement. Mais pour ça, parce que je suis derrière toi, Gabriel, j'ai une activité à te proposer pour te venger et pour venger tous les manifestants d'Alex Perron. Fait que tu t'habilles, mon bonhomme, t'embarques dans mon truck et on part à la chasse du petit Perron pour foncer dessus. C'est-tu bon, ça, pour toi, Gabriel? Ben, pas sûr, là. Moi, j'ai dit que j'étais en désaccord avec ça. Tu sais, moi, je suis un gars... Arrête ton niaisage. T'auras jamais vu une sacoche puis des bas culottes revolées comme ça. Embarque dans le char. Alors, Jean-Philippe, je vous reviens avec Gabriel Nadeau dans quelques minutes et espérons avec les restes d'Alex Perron. Eh bien, mission accomplie, Jean-Seb, rate dilatée. Alors, à tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Potier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui ne s'ennuyait pas pantoute d'un nouvel album du groupe Indochine. Les mots politiques. Ben oui, c'est ça. Ben Fred, vous êtes notre bulldozer à nous. Ben allez-y. Oui, broum, broum, broum. Effet spéciaux, hein. J'ai ma carte UDA aussi, hein, ça ne paraît pas. Alors, ben oui, on célèbre la Journée internationale de la femme. C'est une semaine au complet de célébration. Ben oui. Je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de s'y pencher. Hein? C'est toujours intéressant de se pencher sur la femme. Oui. Bien des hommes vous diront. Et parfois même des femmes. Alors, je vous propose une incursion dans la formidable épopée de la Journée de la femme pour voir justement si elle a toujours sa raison d'être. Il y a plusieurs personnes qui mettent ça en doute. Ouais. Là, je parle de la journée, bien sûr, pas de la femme en tant que telle. Alors, c'est donc en 1910, à Copenhague, lors de la deuxième conférence de l'Internationale socialiste des femmes, que l'idée d'une journée internationale des femmes est adoptée, mais on oublie de choisir une date. Alors ça, c'est véridique. Je pense que ça aurait pris un homme pour prendre les choses en main. Mais malheureusement, ce jour-là, ils sont tous à la taverne. En Russie, c'est un 8 mars 1917 que les ouvrières russes se rebellent, ce qui causera la fameuse révolution de février. Vous me direz que les dates ne fitent pas pour une révolution de février, mais il faut savoir qu'à l'époque, les Russes utilisaient le calendrier julien. Ce qui fait que le 23 février de l'époque correspond en réalité à notre 8 mars. Okay. On tentera d'ailleurs de retrouver Julien pour corriger la chose, mais lui aussi est dans une taverne de Copenhague. Lénine commémorera cette révolution en décrétant dès 1921 le 8 mars comme étant la Journée internationale de la femme, mais il s'oppose au féminisme, un concept bourgeois selon lui, et quand on regarde Sophie Durocher, on est obligé de lui donner raison. En 1946, l'URSS propage le concept du 8 mars derrière le rideau de fer grâce à une propagande efficace qui décrit les festivités moscovites où des avions font pleuvoir, ça c'est véridique en passant les jeunes là, où des avions font pleuvoir sur la femme russe de gigantesques bouquets de mimosa, de violettes et de roses du Caucase, déclenchant des millions d'allergies au pollen. L'année suivante, le pollen est déclaré ennemi de la Révolution et les personnes surprises à éternuer sont immédiatement emprisonnées. Le 8 mars de l'année suivante, Léon Blum souligne en France la place importante des femmes dans la résistance et notamment Carole Bouquet dans son rôle de Lucie Aubrac. Malheureusement, Madame Bouquet n'est pas là pour la cérémonie puisqu'elle n'est pas encore née. Au Québec, c'est en 1971 qu'on célébrera la Journée de la femme pour la première fois. Hein? L'ONU l'a décrété officiellement en 1977 et au Québec, bien sûr, on était à l'avant-garde. Alors j'aimerais profiter de cette journée pour dire merci aux femmes d'être ce qu'elles sont parce que chaque jour que m'apporte la vie, je n'ai de cesse de me demander « Que serais-je sans les femmes? » D'abord, c'est quand même une femme qui m'a mis au monde. Hein? On a tendance à l'oublier. Ben, pas nécessairement. C'est aussi une femme qui m'a appris à lire et à écrire. Deux choses fondamentales qui m'ont permis d'avoir une fulgurante carrière radiophonique. Au lieu de finir assis dans une salle de réception de Trois-Rivières pour assister à un congrès du RLQ. C'est avec une femme que j'ai eu le grand plaisir de faire le grand mambo pour la première fois. Wow. Et aussi la dernière, d'ailleurs, c'était avant-hier. Cela dit, ça répète avec un homme, c'est vrai, mais à voir les réactions autour de la campagne contre l'homophobie du gouvernement du Québec, force est d'admettre que tant qu'à copuler, aussi bien le faire de façon hétérosexuelle, si vous ne voulez pas subir les foudres de congénitaux qui ne font pas que peupler nos régions, mais nos villes également. C'est aussi une femme qui m'a permis de me reproduire, donnant naissance à un fils merveilleux qui lui aussi aura la chance à son tour de côtoyer des femmes au cours de sa vie. Bon, c'est sûr, à 8 ans, là, il a tendance à les trouver ennuyantes et à trouver qu'elles jouent à des affaires plates, mais je lui répète souvent que quand il grandira, il les trouvera encore ennuyantes. Certes, mais qu'il verra qu'il est possible de jouer à des affaires le fun avec. Mais je sais surtout qui a la chance de les accompagner sur la route de l'égalité, car tant de chemin reste à faire. Oui, c'est vrai, nous avons quand même 6 premières ministres au Canada. La preuve que nous progressons. Pauline Marois, par exemple, fait un travail formidable qui nous change des politiciens qui nous ont gouvernés pendant trop longtemps avec des politiques consistant à appauvrir les plus démunis et à favoriser les classes aisées. Mais heureusement, grâce aux politiques de Mme Marois, c'est maintenant le contraire de l'inverse de ce qu'on a toujours connu. Et c'est tout un vent de fraîcheur. J'espère donc qu'un jour, nous pourrons nous offrir le luxe d'abolir la journée de la femme parce que nous n'aurons plus besoin de souligner le chemin qu'il reste à faire puisqu'il sera déjà fait. Alors, longue vie aux femmes. Je serai d'ailleurs chez Roger tout le week-end si jamais vous avez envie d'en discuter plus longuement. De quelle heure à quelle heure chez Roger? Oh, voilà. De l'ouverture à la fermeture. Bon! Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Fred. On retourne parler avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, toujours dans mon Hummer avec GMD. On est parti, je vous le rappelle, à la chasse d'Alex Perron. Alors, on est passé devant sa maison. Il n'était pas là, malheureusement. On se dirige maintenant vers le village. On s'est dit qu'on pourrait peut-être faire d'une pierre deux coups et y trouver Jean-François Maurras aussi, et foncer dessus également. Mais pendant notre trajet, on va revenir sur les réactions suscitées, Gabriel, par cette fameuse histoire sur Twitter. Il y a des gens qui trouvent que tu as pas mal exagéré cette histoire-là, Gabriel. Je te renvoie la question, Gaboune. Est-ce qu'effectivement, tu ressens le besoin de brasser de la marde pour pas te faire oublier, mon bonhomme? Ben, c'est même pas ça, en fait. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment choqué. J'étais pas content. Je veux dire, c'est le genre d'affaire que je trouve qu'on tolère envers les étudiants, mais qu'on tolérerait pas envers beaucoup d'autres groupes de la société. Et puis, bon, je pense que je suis peut-être allé un peu fort là, sur Twitter, et puis je me suis d'ailleurs, par la suite, rétracté sur une partie, mais je pense que sur le fond des choses, c'était quand même pas correct comme affirmation. Et puis, l'humour, je pense pas que ça peut être une excuse pour dire tout et n'importe quoi quand même. T'avais-tu bu? Non, j'avais pas bu, c'est pas... non, absolument pas. T'es sûr que tu t'ennuies pas d'être le Justin Bieber du Québec? Non, au contraire, ça me donne plein de temps pour faire beaucoup d'autres choses, et puis Excuse-moi, regarde l'autre bord de la rue, c'est qui? Ben voyons donc, c'est Ariel Grenier! Ah, oui, ben oui. C'est la représentante des Carrés Verts, devenue célèbre à cause de son passage avec toi à Tout le monde en parle. Est-ce que ça tente qu'on essaie de la frapper? Pas bête. Bon, on va essayer. Alors, attache ta ceinture, on va accélérer. Véronique Yvon aimera pas ça, parce que je peux-tu dire que la petite Grenier, elle va pas mourir dans la dignité? Quoi qu'elle a jamais été ben digne de son vivant, tu me répondras. Moi, je donne pas de commentaires là-dessus. Bon, tu fais bien. Alors, on va accélérer, attention! Et bang! Wouhou! Bon, alors, écoute, on va aller la ramasser pour voir si elle est toujours vivante. Alors, Jean-Philippe, je reviens dans quelques minutes avec Gabriel Nadeau-Dubois et la fougueuse Ariel Grenier. Hey, c'est pas sûr qu'on vous rappelle, OK? À tout de suite! Bye-bye! Notre deuxième invité, Fred. Mais à La Fontaine, en Ontario, ce chanteur n'a pas la plume dans sa poche et séduit les dames parce qu'il adore leur chanter, qu'il a beaucoup d'amour à donner. Accueillons donc le généreux Damien Robitaille! Merci! Damien Robitaille, premièrement, j'aimerais tout de suite m'excuser à Mme Yvon parce que je lui ai pas offert de bière. Et j'oublie ces temps-ci. Et là, je sais pas ce que j'ai. Vous voulez une bière? Non, ça va. Ah, mon Dieu, ça n'a pas été long. Damien, une bière? Ah, OK, oui. Une Corona? Franchement, je me lève. Attends un petit peu. Pourquoi pas, hein? J'en ai pas ici. Quelqu'un a le débouche-bouteille? Oui. Ah, je veux pas vous stresser, Damien, mais Mme Yvon a été très, très bonne. C'est ça. Fait qu'il faudra être bon aussi. Non, mais vous venez ici, vous prenez une pause de votre préparation parce que vous êtes en train de préparer votre prochain spectacle. Oui. Ça fait 2 semaines qu'on roule le spectacle. On a monté tout en février. Puis là, 5 spectacles qu'on a fait jusqu'à date. Puis jusqu'à date, ça toutes les salles sont pleines. Ben, parlez-moi de ça. Parlez-moi de ça parce que là, votre premier spectacle à Montréal, votre première montréalaise, c'est le 4 avril au Métropolis. Ouais, d'ailleurs, petit conseil, barrer les portes. Et la... Et là, non, attendez. Ça dépend qui fait la mise en scène. Là, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que, d'ailleurs, ce disque-là que j'ai même pas reçu gratuitement de votre agence de disques. Ah non, ok. Faut que je l'achète, fait qu'il est à quelque part dans mon iTunes, je vais vous le dire, c'est un petit peu plat. J'ai ça, acheter des disques. En fait, je l'ai téléchargé illégalement. Mais la question que tout le monde se pose, ceux qui ont écouté votre album, est-ce qu'on a besoin d'aller voir le spectacle ou c'est la même affaire? Oh oui, il faut absolument aller voir le spectacle. Parce que l'album, tu sais, c'est comme... C'est moins bon? Non, c'est une photo d'une époque. Puis les chansons ont peut-être évolué. Puis là, il y a plein de musiciens, on joue tout en même temps sur la scène. Ah, alors, plus en même temps, ouais. Oui, oui. Ça doit être capoté. Parce qu'en studio, là, c'est comme... Moi, j'ai joué pas mal d'affaires, tu sais, mais pas en même temps. Ouais, ouais, ben on imagine. Là, ouais. Puis alors là, c'est plus vivant, c'est plus festif. Et là, c'est... Ben, puis en plus, oui. le public, c'est comme ça fait partie du show. Parce que le public n'est pas sur le disque. Alors là, ouais, non, ça c'est maintenant avec des disques. Ils sont pas en studio. Ben, juste, ben, vous voyez que ça donne un public, hein? Oh, ça rit des blagues. Oui, oui, oui. C'est en tout cas, très grand, ton public. À date, les critiques sont assez bonnes pour le prochain spectacle. Vous avez... J'ai lu ça, c'est sur Twitter 2-3 fois. Vous jouez le rôle de séducteur, à quelque part, et je voulais savoir, est-ce que ça fonctionne? Ou en fait, je me trompe peut-être de personne à poser la question. Madame Yvon, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Oh! Oh! Oh! Oh! Est-ce que ça fonctionne sur scène? Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans votre auditoire? Parce que moi, je vais l'avouer, il y a beaucoup de filles dans mon auditoire. Oui, oui, ah oui. Je vois ça. Ouais. Ben, moi, c'est beaucoup des dames. Ah? À 50 ans et plus. Pour vrai? Ah oui, c'est toujours les mamans. C'est les mamans qui m'aiment. Alors, c'est eux qui sont là. Hein. Puis, oh, ils m'attendent après, là, puis ils veulent des becs. Ah, ouais. Ils veulent me pogner dans des endroits... Arrêtez donc! Vous êtes comme le Michel Louvain de la Franco-Ontario. N'empêche... Damien, vous avez décidé quand même de chanter en français. Vous venez d'un village en Ontario que vous surnommez vous-même le village gaulois parce que c'était une petite île de francophones à l'intérieur d'une mer d'anglophones. Oui, oui, oui. Pourquoi décider de chanter en français alors qu'il y a plein de chanteurs francophones qui décident d'aller chanter en anglais? Simple Plan, ça n'est... Ben, c'est, je crois, ouais. Il y a plusieurs facteurs, mais principalement parce que je voulais vraiment rendre hommage à mes racines, ouais. À mon grand-père, mon père, à mon village, parce que je vois le français qui diminue tranquillement là-bas. J'ai vu ça là-bas. Et ailleurs, dans d'autres, comme aux États-Unis, j'ai vu les villages où le français est complètement disparu. Alors, je voulais vraiment protéger ça. C'est par fierté, finalement. Ouais, ouais. Je trouve ça le fun. vous êtes arrivé au Québec, en fait. Vous êtes vraiment établi au Québec en 2003. Vous êtes arrivé avec Jean Charest, d'ailleurs. Je ne vais pas faire de lien. Mais, dans le même parachute? Ben, regarde, je lance ça comme ça. Vous êtes donc d'une mère anglophone, d'un père francophone. Et là, vous êtes au Québec depuis, ça fait presque 10 ans. Ça fait 10 ans, en fait. Oh, oui, quasiment, oui. Est-ce que c'est difficile de s'intégrer au Québec? Est-ce qu'on a l'impression d'être encore un petit bastion de francophone contre une mère d'anglophone? Est-ce qu'on a peur de se faire avaler? C'était mal dit, ça. Hein? Attends, mais qu'est-ce que... Mais une chose qui m'a surpris quand je suis arrivé, combien peu de gens savaient que les francophones existaient à l'extérieur du Québec. Mais ça, c'est vrai qu'on ne sait pas ça. Comme là, c'était fou. Même aujourd'hui, mais je pense que les gens ont été un peu plus sensibilisés. Alors, ce qui est bien, c'est un de mes buts, c'est de vraiment montrer aux gens que hey, ça existe des francophones à l'extérieur, mais... Mais c'est ça, tous les jours, je vis avec ça, que les gens disent « Hey, tu viens d'où, ça, avec ton accent? L'Acadie? » Ouais. Je viens de l'Ontario. Ontario, c'est ça. Ontario, oui. Ontario, oui. Ben justement, vous parlez français, vous parlez anglais très bien. On sent chez vous qu'il y a un lien très fort entre ces deux langues-là. Quand on est au Québec, on a l'impression qu'il y a une plus grande division. Hein, entre les anglophones et les francophones. Mm-hmm. D'ailleurs, Jean-François Lisée a essayé de tendre un... Mon Dieu, un comment on appelle ça? De tendre un rap, un pont, avec la chanson « Not Home ». C'est ça. Oh, bon, oui. Il y en a qui ont trouvé ça bon. Jean-François Lisée. Jean-François a trouvé ça bon. Oui. Jean-François a trouvé ça excellent. Ben oui. Je l'ai encore dans la tête. Ben non, je sais pas. Est-ce qu'il faut jouer ça tout le temps au Conseil des ministres? Une semaine sur deux, Une semaine sur deux, ça doit être dans le tapis au Conseil des ministres. Ouais. Ça doit pas être agréable, cette affaire-là. Mais en tant que musicien et quelqu'un qui connaît les deux cultures, francophone et anglophone, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chanson? Ben, disons que moi, tu sais, je l'écoutais une fois, mais je le mettrais pas, j'écouterais pas ça en boucle. Ouais. J'enseignais à l'école de chansons, ça serait pas. Celle-là. Celle-là que ben j'étudierais. Ben non, il n'y a pas de problème. Moi non plus, ça serait pas ma préférée. Mais je trouve ça quand même un bel effort. Est-ce que. Puis je m'adresse à Mme Yvon. Est-ce que, pour vrai, est-ce qu'il en a parlé beaucoup au Conseil des ministres? Est-ce qu'il l'a vendu, cette chanson-là, à l'intérieur de votre petit groupe? Vous savez que le Conseil des ministres, c'est secret. Hein? Moi, je peux rien dire. J'ai prêté serment là-dessus. Est-ce qu'on prête serment pour vrai? On prête serment pour très vrai. Ouais. Fait qu'à l'extérieur du Conseil des ministres, est-ce qu'il. Il fallait poser la bonne question. Ben non, c'est ça. Mais à l'extérieur, là, est-ce qu'il vous donnait des disques? Non, on n'a même pas eu droit à un disque. Ah, arrête, et donc? On a juste eu droit à ce qu'il nous chante la chanson. Ben, j'aurais aimé ça être là. Damien, avant de se quitter, j'ai une question. Je vous regarde et je me dis, mon Dieu, il me semble que ce gars-là, il ferait de la politique. Ah oui, j'en ai déjà fait. Arrêtez donc. Oui, oui, j'étais premier ministre de mon école. Ah! C'est vrai! C'est vrai? Mais je me suis présenté aux élections, puis l'autre candidat, elle était au Mexique ou quelque chose. Alors, elle a pas pu faire son speech, alors j'ai gagné. Une future membre du NPD, sûrement. C'est ça. Mais vous ennuyez pas de ça? Vous voulez pas revenir en politique? Ah, peut-être un jour, là. Ça serait pas pire, ça. Non, mais pour vrai. Mais si c'était facile comme ça, tu sais, pas de. T'sais, rentrer, pas ben, de combat. C'est facile. Regardez, vous n'avez même pas été élu, vous avez 85 000 piastres direct dans votre compte. Ben, je pensais, j'aimerais ça être sénateur. Ça, c'est, ah, c'est, ben ça serait pas pire. Ça, c'est encore plus facile. Les critères sont très, très bas, hein. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de critères non plus. Hein. Ah. Faut juste connaître les bonnes personnes. OK, c'est bon. C'est bon? Hey, vous restez avec nous? Ben oui, certainement. Vous n'avez pas pris de bière? Oui, oui, oui. Oui. Oh. Hey, mon Dieu, vous ne buvez pas vite. Un vrai ontarien. OK! Vous restez avec nous. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Si les extraits radiophoniques qu'il nous offre chaque semaine étaient des bouteilles de vin, il serait le sommelier de la piquette. Oh. Voici la chronique d'Olivier Niquet. Salut Olivier. Salut. Ben, la fin de semaine dernière a été marquée par deux congrès très, très importants, soit ceux d'Option nationale et du réseau Liberté Québec. Une belle occasion de mesurer la popularité de ces deux mouvements. Et disons que lorsqu'il est question du RLQ de Joanne Marcotte, Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec est pas mal optimiste. On regarde le membership, là, puis il est environ à peu près 1400 présentement. Ouais. Là. Ah, tu trouves ça bien? Moi, je trouve ça désastreux. Ben, dans le contexte québécois. Écoute, si on veut que ces mouvements-là aient une crédibilité ou aient un attrait du côté des journalistes, il faut leur donner un poids. Et le poids, c'est le nombre de membres. Voilà, notre beau Sylvain trouve ça pas mal bon, les 1400 libertariens du RLQ. Mais écoutons ce qu'il avait à dire au sujet du congrès d'Option nationale et de ses 8000 membres. Le chef de Option nationale, un groupuscule chouchou des médias qui a eu une couverture en fin de semaine épouvantable, qui faisait la une partout. Il est gauchiste et souverainiste. C'est vraiment minoritaire, c'est une petite gang, Jean-Martin Aussant, mais c'est un péquiste qui a fondé un groupe encore plus radical. Eh oui, alors si Option nationale est un groupuscule radical, le RLQ, c'est quoi? Un pustule réactionnaire? En tout cas... En tout cas, pas surprenant qu'une faible proportion des Québécois adhèrent aux pustules de droite, comme l'explique Lise Ravary. Le dernier sondage de Léger Marketing montrait qu'il y a 17 % des Québécois qui se définissent comme étant à droite. Ah, je sais, Lise. C'est pas beaucoup. Si la manière étatique, ça marcherait, pourquoi il y a des trous dans les routes? Puis pourquoi il y a de l'attente dans les salles d'urgence? Et si la manière étatique, ça marcherait, là, pourquoi nos chroniqueurs n'ont pas appris à l'école que les scies mangent les raies? Hein? De toute façon, là, c'est pas vrai que la droite n'a pas de visibilité. Lise Ravary a pu se faire aller les idées de droite sur toutes les tribunes cette semaine. Radio X, VTL, TVA, Cogeco. Il y a juste à Radio-Canada qu'elle s'est trompée de bord. Je suis pas de droite, je suis d'extrême-centre, Catherine. D'extrême-centre. Ah! Quelqu'un qui s'assume. Non, mais... Faut dire que c'est dur de s'orienter dans le débat gauche-droite. Là, la définition de la gauche est rendue tellement large. Là. Ouais. Prenez Gilles Proulx. Jeff Fillion, il est bien content de son retour à radio, mais comment ça se fait qu'on lui a pardonné ses frasques à Gilles Proulx? Ben, parce que Gilles Proulx, il est du bon bord du grand complot. Est-ce que Gilles, d'avoir passé au travers cette déclaration-là, ben non, c'est parce qu'ils sont dans sauce. Et mieux entourés. Ils sont dans sauce, sont à Montréal. Ben, il est surtout de l'autre bord, là. Oui, mais au départ, il a été excusé, là, pour être de commencer à être de l'autre côté. C'est un gars souverainiste amoureux de la langue. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il est à gauche. Oui. C'est drôle, par contre, je ne l'ai jamais rencontré dans nos réunions de la clique du plateau. Non, mais il est arrivé en retard une fois. D'autre part, on apprenait cette semaine que le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu aurait une petite tendance à abuser des fonds publics. Évidemment, les grands défenseurs du contribuable à Radio X se sont jetés sur cette histoire comme de l'huile sur le feu. On écoute. Bon. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que l'honorable sénateur est aussi chroniqueur à Radio X. Ah. Et donc, rien de scandaleux à ce que leur taxe serve à lui payer une maison ou à verser un salaire à sa petite amie. Puis de toute façon, leur idylle est terminée, à ce qui paraît. Il s'agirait d'une dispute familiale. Ben non, Claude, parle pas de rumeurs, là. Par contre, il s'agirait d'une dispute qui est à l'origine de la montée du nouveau héros des radios populistes, Alex Perron. Dominique Morin a d'ailleurs décidé de rendre hommage à celui qui s'est dressé avec son troc devant les manifestants adorateurs de Kim Jong-un. La pression du Montréalistan, les espèces d'hurluberlus de la Carrée du Nord, là, on en a plein le derrière. Bon, vous dire une chose, de par cette prise de position-là, là, j'espère que vous allez allumer dans la communauté gay à Montréal. Là. C'est le gay of the year. Là. Ça va prendre un champion gay pas mal plus que ça pour le tasser. Là. Voilà, un homosexuel qui veut écraser des manifestants, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle campagne contre l'homophobie. Et c'est avec une grande déception et une peur incommensurable que nous allons retrouver Jean-Sébastien Girard pour son dernier segment. On est tous ensemble réunis, toujours Jean-Philippe Dama Homer avec Gabriel Nadeau-Dubois, avec ce qui reste d'Ariel Grenier. Alors, comment ça va, Ariel? Et là, c'était vraiment pas une idée du siècle, hein, de conduire en jouant de la guitare, là, vraiment. En même temps. Mais comme t'aimes bien ça passer dans les médias, ma belle Ariel, t'as accepté de répondre à mes questions en attendant l'ambulance. Tu veux, Ariel, tu es une manifestante puis se déguise toujours en toi? Oui, même à l'Halloween. Ouais, elle se déguise en moi. Ben écoute, dédoublement de personnalité, je pense que secrètement, elle souhaite être trahie, donc... c'est ça. Mais là, moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici avec Gabriel Nadeau-Dubois dans mon troc? J'ai l'impression que tu veux pas forcément l'engueuler. J'ai même l'impression que t'es en train de ramollir un peu. J'ai lu sur Twitter que t'avais été bien touché par son entrevue au Franc-Tireur de mercredi dernier. Coudonc, c'est quoi l'affaire? Mais tu couches avec? Ça, vous m'avez découvert, hein? Je peux plus freiner mes sentiments, puis j'ai tellement d'empathie envers les gens. Là, vous m'avez eu, Gabriel, ben tu sais, je le trouve très charmant, mais c'est pas vraiment mon genre. Comme il l'a dit à Patrick Lagacé au Franc-Tireur cette semaine, tu sais, il est tellement en demande. Là, c'est le nouveau Justin Bieber du Québec. Les petites filles de secondaire 1, je me verrais mal leur briser le cœur, là, vraiment. Quelle grandeur d'âme! Sinon, il paraît que ça va pas bien pour toi, ma belle Ariel. J'ai lu une entrevue que tu as accordée au Journal de Montréal en fin de semaine où tu dis que toute une génération te déteste. C'est plate, mais c'est pas comme si t'avais pas couru après, ma belle. Ben oui, écoute, non, j'ai l'impression qu'après les propos que j'ai tenus, que je suis aussi populaire que les gaz de schiste, mais ben écoute, merci de t'en soucier, hein. Sauf que, ben j'imagine que Gabriel, il l'a pas eu facile non plus, hein. C'est difficile de prendre position. Puis, ben lui aussi, hein, il l'a pas eu facile. Fait qu'on va pas se comparer, mais dans la vie, il faut assumer. Hein, Gab? Bon, Gab, est-ce que t'aimerais ça te réconcilier avec la belle Ariel? Ah, moi, j'ai toujours dit qu'il y avait absolument rien de personnel entre nous. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, Jean-Sébastien, mais on a un cours ensemble cette session à l'Université de Montréal. Alors, on se croise toutes les semaines et puis on est tout à fait cordial l'un envers l'autre. Puis tu sais quoi, pour être bien honnête, je suis quand même content qu'elle semble quand même aller bien là, de ce que je vois. Puis je suis quand même content parce que moi, comme tout le Québec le sait maintenant, la violence, je trouve ça absolument inacceptable. Donc je suis bien content qu'elle soit en santé, en tout cas relativement en santé. C'est quoi la fête? Veux-tu coucher avec? Non. Mais là, Gabriel, Tournait sympathique. Bon, tu fais semblant de la trouver sympathique, mais ce qu'on a lu dans le Journal de Montréal en fin de semaine, c'est que t'as refusé l'amitié Facebook d'Ariel. Est-ce que c'est vrai, ce montorieux? Ben, refusé. Wow! Donc, je l'ai pas accepté. Ben là! Check l'autre. Attention, là, avec les mots. Ouais, c'est ça. Il condamne pas la violence, mais en tout cas, hein? Je suis bien content du beau moment de radio qu'on vient de vivre, tout le monde. Alors, Gabriel, de toute façon, on n'a pas encore trouvé Alex Perron, mais c'est pas grave, hein. J'irai te chercher pendant le Gay Pride, puis on foncera dans le tas cet été. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Bonne chance en réadaptation, ma belle Ariel. Et Gabriel, je vais aller te conduire directement chez vous, évidemment, parce que j'ai peur que tu ailles briser des vitrines au centre-ville, mon grand. Alors, tout le monde, je vous dis merci beaucoup, et on se dit à la semaine prochaine! Des fois, c'est tellement lourd. Vive ça devant le public, hein? Fred, notre dernier chroniqueur, s'il vous plaît. Notre correspondant parlementaire a scruté la Gazette officielle toute la semaine et ensuite il est sorti du coma. Voici donc la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Oh boy. Bon. Hey, la semaine passée, Agnès Maltès s'est fait avoir par la Gazette officielle. Ben oui, ben on a découvert c'était quoi. Qu'est-ce que c'est, la Gazette officielle? C'est toujours justement dans l'optique de bien informer notre public de ces institutions démocratiques qui ont un mandat essentiel de l'émission, là, ça, puis de fournir un revenu minimum garanti à Gabriel Nadeau-Dubois. Ben oui! Visiblement. Fait que, contrairement à la croyance populaire, là, le terme « gazette », là, c'est pas une insulte homophobe sur la page Facebook de Salut Bonjour, non. Ça réfère pas non plus à un journal d'anglo en beau motadine, mais ça vient de l'italien « gazetta », donc ça aussi, c'est à risque d'être proscrit si un d'entre vous fait une plainte à l'Office québécois de la langue française. Allez-y. On attend. Ouais. Selon mes sources, Wikipédia, c'est un périodique imprimé consacré aux faits de société et actualités. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans la Gazette officielle depuis 1869. C'est ma lecture de chevet. Vous aimeriez ça beaucoup, Fred, parce que tu sais, la revue que vous lisiez là, pour les articles, ben, là-dedans, il n'y a même pas d'image en plus. C'est super... C'est plein d'articles, des articles de loi, des règlements, mais beaucoup d'autres choses aussi, hein, des avis publics. Sachez que c'est là-dedans que j'ai su que la Régie intermunicipale de protection contre les incendies de Kamloops s'est dissoute cette semaine et qu'on annonce aussi la création de la Régie intermunicipale de Lac-Betty et que Anna-Claudia Saint-Roch-Boileau vient de changer son nom pour Claudia Boileau, hein, parce que sinon c'est trop long. Ah. Alors, ben des choses qu'on apprend. C'est vrai qu'on lit ça là-dedans? Oui, tout à fait, François Sarrazin vient de changer son nom pour Jean-François Sarrazin. Et c'est gratuit sur les internets en plus, mais pour le recevoir chez vous, Jean-Philippe, c'est entre 475 et 650$. Pas mal cher, je trouve. Heureusement que vous êtes branché. Oui, c'est ça. Mais là, justement, vous intéressez à un peu méconnu de la vie de député, là. J'en viens pas encore. J'ai assez de m'abonner à ça. Vous allez voir. Non, mais oui, un peu méconnu. Vous l'ignoriez peut-être, là, mais à part poser des questions puis pas donner de réponses, les députés à l'Assemblée nationale... Ils ont aussi le mandat de présenter des pétitions de leurs concitoyens. Ah, hein, bon. Qu'ils soient d'accord ou pas avec le contenu, il faut qu'ils la présentent. Par exemple, lors de la dernière session, hein, Véronique Yvon a présenté la pétition sur le cancer de la peau puis le bronzage en cabine pour interdire aux mineurs. Oui. Là, bon, mais c'est passé, ça. Ben oui, il y a même une loi. D'ailleurs, on sait qu'Occupation double, la revue Sommet, mais José Lito songe à contester devant la Cour suprême. Mais, Parfait. Mais il y a aussi des pétitions qu'on peut signer sur le site de l'Assemblée. Vous auriez dû être chroniqueur web, vous. Ben non, mais... Je l'ai déjà été dans une ancienne vie. C'est ça. Ouais, écoute, ben oui, justement, sur le site de l'Assemblée nationale, il y a celle, notamment, des restaurateurs qui demandent l'annulation de la hausse de la taxe sur l'alcool. On est d'accord. Allez signer ça. Il y a juste 40 signatures en ce moment. C'est une plaie, ça. Ça, c'est une plaie. Et là, il y a une députée du Parti québécois, Denise Beaudoin, qui parraine une pétition qui demande l'abolition du changement d'heure. 31 signatures à date, et c'est tout à fait sérieux. Parce que ça a l'air que c'est pas bien bon pour le sommeil, ça mêle les personnes âgées. Ben ça stresse les vaches pour la production laitière. Et c'était inscrit dans la pétition. C'est ça, on boit tout du lait, là. Il est moins bon. J'aimerais souligner que peut-être plus populaire, 1500 signatures jusqu'ici pour l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur, et il semble que même les Thibault l'aient signé. En tout cas. Et c'est le fun, hein? Ben merci beaucoup, Jean-Pierre, de toutes ces informations absolument essentielles. Essentielles. C'est déjà tout pour ce soir, pouvez-vous croire? Alors, on vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret Plus on est de fous, plus on lit. Et ensuite, c'est Bande à part qui est animé cette semaine par Catherine Pogonat. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Phil Roberge et Marie-Hélène Vautier. Un gros, gros merci à nos invités de ce soir. Madame Yvon, merci énormément. Merci. On l'applaudit. Hein? Ah ouais. Et bonne chance pour votre session parlementaire. C'est une étoile montante, étoile montante. Ben, c'est ce qu'on a entendu. Merci à Damien Robitaille. Vous allez le voir le 4 avril au Métropolis, s'il vous plaît. Et quant à nous, si vous voulez nous réécouter, notre balado de diffusion est disponible sur notre site web. Et la semaine prochaine, on enregistre le jeudi à 17h. On reçoit Daniel Payet et Yves Pépeltier. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous dit de profiter de cette soirée qui est encore jeune.